Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e heure de direct non-stop à l'occasion des 30 ans de Fadjet. Il est 17h, vous venez de l'entendre. Vous êtes sur Fadjet peut-être avec nous depuis 9h ce matin. 30 ans déjà pour cette belle radio, une des premières radios libres au début des années 80. 1985, c'était le début de Radio Fadjet et Fadjet est toujours là et toujours en pleine forme, une très très jeune trentenaire. Et donc pour fêter ces 30 ans, 30 heures de direct non-stop avec la plupart des animateurs de la radio qui se relaient depuis ce matin 9h et qui seront à l'antenne toute la nuit encore jusqu'à demain 15h. Restez bien à l'écoute pour les plus courageux. Vous pouvez également nous voir, il y a une petite webcam si vous allez sur le Facebook de la radio, vous pourrez avoir tous les liens. Depuis ce matin 9h donc et jusqu'à demain 15h, on fête les 30 ans de Radio Fadjet, que des émissions en direct, même cette nuit on vous le rappelle, 30 heures pour 30 années. Et chaque heure est consacrée à une année. On a débuté avec 1985, donc à 9h ce matin. Et nous voici désormais arrivés en 1993. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Un petit jingle pour débuter également, c'est le jingle kitsch de Fadjet. C'était entre 1990 et 95. Souvenir. 94 sur Fadjet. On est bien sûr, sur Fadjet. La frime en moins, la vie en plus, c'était les slogans. Le slogan à l'époque de Fadjet. Maintenant, Fadjet, c'est plus qu'une radio et tout le monde le sait très bien. Ici, c'est une très, très grande maison. On va donc parler de l'année 1993, mais aussi et surtout de l'émission Charlie & Co, qui a vu le jour dans les années 90 et qui a revu le jour il y a quelques années sous un format un petit peu différent. Avec nous, pour en parler dans quelques minutes, Stéphane Kaltchef. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. De retour à Fadjet. Oui, après une douzaine d'années d'interruption. Alors, sans vouloir être un ancien de Fadjet. Je suis désolée, mais un ancien. Oui. Voilà, dans les années 90, c'est ça. Un fondateur à l'antenne, en tout cas. Voilà, on va en parler, hein, parce que Charlie & Co, c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez mis à l'antenne de Fadjet. On va parler justement de cette version des années 90 et on va parler de la nouvelle version donc qui a revu le jour en 2012. Mais cette heure d'émission de 17h à 18h, elle est consacrée à l'année 1993. On va donc faire une petite rétrospective de cette année. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. 1993, donc, les premiers jours sur Terre, peut-être, pour certains qui nous écoutent, pour les plus jeunes. Puberté pour d'autres, passage du bac, mariage ou encore enfant pour les plus anciens et fidèles auditeurs de Fadjet. Et dans le monde aussi, il se passait pas mal de choses. Le 1er janvier 93, scission de la Fédération tchécoslovaque entre la République tchèque et la Slovaquie. Le 3 janvier 93, signature par George H.W. Bush et Boris Eltsine des accords START 2, Strategic Arms Reduction Treaty, abrégé donc en START, que l'on peut traduire en traité de réduction des armes stratégiques, qui désigne deux traités américano-soviétiques visant à réduire la totalité des arsenaux nucléaires des deux superpuissances, aussi bien les missiles terrestres que sous-marins et aériens. Le 20 janvier 93, début de la présidence démocrate de Bill Clinton aux États-Unis. Le 13 janvier, à Paris, est signée une convention interdisant la fabrication et le stockage des armes chimiques et qui prévoyait leur destruction d'ici 1997. Le 22 mars, première journée mondiale de l'eau. Le 1er juillet, suspension des essais nucléaires britanniques, soviétiques et américains. Le 15 octobre 1993, le prix Nobel de la paix est attribué aux Sud-Africains Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Le 30 avril, malheureusement, le malheureux accident de Monica Seles qui a été poignardée par une fan en tout cas d'une adversaire. Le 13 mai, Human Bomb terrorise l'école maternelle de Neuilly. Le GIGN avait dû intervenir. Côté télé et ciné, pas mal de films et séries qui ont marqué les générations. Le 10 septembre 1993, première diffusion de la série X-Files aux États-Unis. Jurassic Park, le tout premier de Steven Spielberg, c'était en 1993. Le film Le Fugitif également avec Harrison Ford ou encore Tommy Lee Jones. Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell, 93 également. Et puis enfin Arizona Dream avec Demir Kusturica, avec Johnny Depp et Jerry Lewis. Et enfin, pour ceux qui sont plutôt francophones de côté cinéma, Les Visiteurs 1, le numéro 1, c'était en 1993. Dernières informations concernant cette année, ils sont nés en 93, le rappeur Big Flo, le footballeur Paul Pogba, la chanteuse Ariana Grande ou encore la Miss France Marine L'Orphelin, ils ont donc 22 ans. Et ils nous ont quittés en 93, l'actrice Audrey Hepburn à l'âge de 63 ans, Elno, le chanteur des Négresses Vertes à l'âge de 30 ans, Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre à l'âge de 68 ans, Léo Ferré à 76 ans, Federico Fellini, réalisateur italien à l'âge de 73 ans, ou encore Pablo Escobar, grand trafiquant de drogue à l'âge de 44 ans. Beaucoup d'informations, Stéphane, en cette année 93. Énormément, c'est un rappel pour moi qui l'ai vécu en tant qu'adulte. Il y a énormément d'événements dont je ne me rappelais plus. Alors, lequel retient votre attention ? Lequel vous a peut-être... Vous a rappelé plus de souvenirs. Eh ben, il y en a eu beaucoup. Je suis pris à la gorge parce que il y a un choix tellement étendu que je serais incapable d'une seconde à l'autre de vous dire quel est l'événement. Il y a beaucoup d'informations. Alors oui. Vous peut-être sur ce début des années 90, quelque chose qui vous avait marqué à Fadjet peut-être. Non, ce qui m'a marqué, c'est que le 1er juin 1993, j'ai pris ma retraite. Et que c'est de cette date-là que j'ai orienté mon temps libre en direction d'une radio associative comme Fadjet. Eh bien voilà, ça c'est un événement marquant, oui. La retraite, oui. 1993. Alors moi j'étais assez jeune, pas si jeune que ça, hein, j'étais née depuis un paquet d'années quand même, mais je sais que beaucoup de fidèles auditeurs et beaucoup d'animateurs ici voyaient à peine le jour, hein, en 1993. Yves, que j'ai croisé dans les couloirs, était déjà là. Un petit débutant dans la technique. Jean-Luc également, qui a été mon souffre-douleur pendant l'émission dont vous allez parler. Parce que En montage, parce que je n'étais pas un professionnel du tout, j'étais kinésithérapeute. J'ai pris ma retraite le 1er juillet 1993, je me suis dirigé vers un organisme qui s'appelait le Centre du Volontariat. Et c'est le Centre du Volontariat qui m'a donné l'adresse de Fadjet, entre autres. Entre le poste, un poste au ministère de la Justice comme suiveur de gens qui étaient libérés un petit peu, et la radio. Donc c'est grâce à cet organisme que je suis venu à Fadjet. C'est grâce à eux que vous avez pu créer Charlie & Co. On va en parler dans un instant. Oui. On va suivre le programme qui a été établi pour débuter aussi cette émission après cette petite rétrospective de l'année. Une musique phare de cette année. Peut-être très certainement vous en souvenir. Elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Whitney Houston. I Will Always Love You, un film également à cette même période, c'était Bodyguard avec Kevin Costner. Whitney Houston tout de suite sur Fadjet pour ses 30 heures de direct non-stop. 1993, on en parle jusqu'à 18h et puis on est en direct jusqu'à demain 15h sur Fadjet, le marathon de live non-stop. Whitney Houston tout de suite sur Fadjet, 17h, presque 9 minutes. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Whitney Houston, 1993. J'adore ce jingle. Toi aussi, Fabienne, je suis sûre. Exactement, ça me rappelle des souvenirs. Mais oui, entre 90 et 95, Fabienne Marchal nous a rejoint, directrice de Fadjet, qui a ouvert ses 30 heures ce matin à 9h et qu'on entend voilà, assez régulièrement, qu'on a entendu à plusieurs reprises, qui est venue danser dans les studios tout à l'heure également. Bah, ça fait partie de la fête. Voilà. Hein, c'est... Et que vous allez bientôt, c'est un anniversaire. Et que vous pouvez voir sur Facebook, bien sûr. Tout ça, ce sera en ligne. Hein. Bien sûr. Alors, on parle, cette heure, elle est dédiée. Donc, on a consacré chaque heure de ce direct, de ce marathon radio, à des années, mais aussi à des émissions. Donc là, on va parler de l'émission Charlie & Co. Une émission que je réalise depuis début 2012 désormais, mais qui existait déjà dans les années 90, avec notamment... aux commandes de cette émission, Stéphane Kaltchev, qui est toujours avec nous. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ses débuts. Et donc, justement, quel était votre rôle à la Fadjet ? Donc, on le disait, hein, 93, la retraite, envie de faire du bénévolat. On se retrouve à Fadjet, donc c'était cette année-là. Alors, en quoi consistait votre rôle ici ? Comment Charlie & Co est né ? Charlie & Co n'est pas né quand j'ai commencé à Fadjet. Charlie & Co est venu sur les ondes de notre radio... 4 ou 5 mois après, lorsque j'ai commencé à Fadjet, j'étais de corvée le dimanche pour lire les lettres à parole d'outre-mur. Je l'ai fait pendant toutes les vacances puisque j'étais en retraite début juin. Donc j'ai passé mes premières heures le dimanche après-midi avec 2 ou 3 forçats, disons-le, qui venaient à 16 heures, qui triaient le courrier. Un courrier qui était pratiquement illisible sur le plan du graphisme et qui était stéréotypé parce que c'était des familles entières de détenus qui écrivaient à leurs chers parents. Les enfants qui commençaient à écrire et qui accompagnaient leurs lettres de dessins, ce qui était assez touchant. Alors, Pomme, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une émission mythique, historique de Fadjet qui existe depuis les débuts de la radio, donc depuis 30 ans, qui est à l'antenne chaque dimanche en direct, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, quel que soit le jour, que ce soit le 1er janvier, le 25 décembre ou le 1er mai, elle existe. Et donc, cette émission, elle est dédiée à créer du lien entre les détenus et leurs familles. Donc, les familles nous envoient des messages et les messages sont ensuite lus à l'antenne. Et il y aura tout à l'heure, d'ailleurs, à 18h, une heure spéciale donc consacrée à cette émission Parole d'Outre-Mur. Il fallait que ce soit précisé parce que nous étions un tout petit groupe, nous étions 2 ou 3, quelquefois nous étions 2. Nous venions à 16h au studio le dimanche après-midi pour prendre connaissance du courrier, pour essayer de comprendre ce qui était dit de parler les prisonniers, par les Alors gens... Alors, on a beaucoup de messages électroniques maintenant, c'est facile que déchiffrer une écriture. Oui. Eh bien, vous pouvez dire que vous êtes gâtés, parce qu'à l'époque, c'était l'enfer. Il fallait interpréter ce qui était dit. Il y avait, dans certaines lettres, on parlait de la santé du chien de la famille, par exemple. Et tout le monde défilait, les grands-parents, les parents, mettaient un mot sur la lettre qu'on adressait aux prisonniers. Voilà. Alors, il faut dire que cette émission, effectivement, est vraiment une émission au service des personnes détenues et de leurs familles. Et donc, effectivement, y compris pour des gens qui ne savaient pas bien écrire, et il y en avait beaucoup. Oui. Et voilà, et il faut saluer vraiment la volonté, la pugnacité, on va dire, des bénévoles qui se relaient, encore, tu l'as dit encore maintenant, tous les dimanches, pour offrir ce service-là. Oui. Mais c'est vraiment, ça fait partie intégrante du projet de Fadjet. Indéniablement. Donc, en fait, Stéphane, il a commencé par Pomme, donc une émission en studio. En studio. Et après, il a été sur le terrain. Alors, il faut faire l'historique de la survenue de Charlie & Co sur l'antenne. C'est que le directeur d'antenne de l'époque a reçu des propositions de la mairie de Nancy qui, contre une somme de 8000 euros, nous demandait de faire la propagande sur le quartier Charles III, Saint-Nicolas. Donc, voilà l'origine de Charlie & Co. Et Charlie, c'est un des directeurs de l'époque qui a trouvé bien de donner une tournure anglo-saxonne à l'émission. Donc Charlie de Charles III, Charlie & Co, c'est Charles III et compagnie, et tous ceux qui gravitent autour du quartier. Voilà l'histoire du titre de Charlie & Co. Et donc à ce moment-là, j'ai fait 348 émissions de Charlie & Co en 12 ou 13 ans. Alors Aurélie ne t'a encore pas battue. Oui. Non, bah non. Mais on en a pas mal déjà. Ouais, hein. Exactement. Mais le succès si succès il y a eu, soyons modestes, il est dû à la pugnacité et à la capacité technique de Jean-Luc. Jean-Luc était le metteur en scène, metteur en onde, et on a bavé avec les textes que je lui amenais. Je crois que c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y avait beaucoup, beaucoup de rush et beaucoup de montage. Il était. Parce que je n'avais aucun sens de l'interview. C'est-à-dire que je commençais par une phrase. Je connaissais à peu près la plupart des gens, des notabilités de Nancy, que ce soit des sportifs, des hommes politiques et surtout des commerçants du quartier Charles III. Ma première obligation a été de faire le tour du quartier que je connaissais de vue, mais que je ne connaissais pas en ce qui concerne la patte humaine du quartier. Et donc, j'ai passé mes premières semaines avant que Charlie & Co. démarre à faire la connaissance des cafetiers, des restaurateurs, un réparateur de parapluies, par exemple. Enfin bref, tout ce qui était la vie du quartier Charles III. Allez, la rencontre des gens directement sur le terrain. Voilà, c'était ça. Et puis, des commerçants du quartier me parlent encore de Stéphane. J'étais dans un restaurant cette semaine sur le quartier et le monsieur m'a demandé de tes nouvelles parce que vraiment, il arpentait. Vraiment, dès qu'il y avait une manifestation sur le quartier, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était la figure de Fadjet qui était présente. Si tu permets, en toute modestie, je crois que les gens m'appelaient Monsieur Fadjet parce qu'ils ne me connaissaient pas mon nom et je ne faisais pas de publicité sur mon nom. Mais c'était ça. Et un des grands plaisirs que j'ai eu, c'est d'être intégré très rapidement à la presse nantienne. Et ça, je leur en suis reconnaissant, que ce soit les journalistes du papier, les journalistes du son. J'ai été admis très facilement dans ce monde-là. Alors, pour rebondir sur le monsieur Fadjet, moi, j'ai de temps en temps des madame Fadjet, mais aussi beaucoup de madame Charlie. Charlie. Voilà, on m'appelle souvent madame Charlie pour l'émission. Monsieur. Voilà. Donc, disons que c'est un signe de popularité qui est agréable. De proximité par rapport aux gens. Et c'est vraiment ce qu'on souhaitait, mais on en reparlera tout à l'heure. Dans le nouveau projet Charlie, on en parlera tout à l'heure. Ça rejoint tout à fait ce que tu avais initié à l'époque. C'était faire du lien sur le quartier et utiliser l'outil radio comme un lien entre les habitants, les associations et permettre à ces gens-là d'être valorisés. Donc forcément, tous les deux, vous êtes des figures repérées parce que vous allez à la rencontre des gens. Les gens ne viennent pas à Fadjet, vous allez à la rencontre. Ils visualisent un visage. Vous êtes identifié à la radio parce qu'ils vous connaissent. C'est vraiment et même encore maintenant, dans les manifestations publiques, les quelques journalistes qui restent sur Nancy, que ce soit l'Est Républicain ou même des confrères des radios concurrentes, enfin Radio France, des choses comme ça, on a encore un esprit maison, un esprit public. Tout à fait. C'est une reconnaissance, quoi. Reconnaissance, et c'est mettre, c'est exactement ce que vous dites, un visage sur quelque chose qui est impersonnel. Une radio, c'est impersonnel. Oui. Et là, quand on voit des gens, on se dit, vous incarnez un peu la radio. Donc, quand même, c'est une sacrée mission. Alors, moi, je vous propose une petite séquence souvenir, Stéphane. Oui. La vie d'un quartier, d'une cité, d'une agglomération est l'affaire de ceux qui y vivent et la font vivre. Chaque semaine, retrouvez les événements ou les hommes qui font ou ont fait l'actualité locale, personnalités marquantes, associations culturelles, économiques ou sportives. Toutes les manifestations trouvent leur place dans Charlie & Co. le vendredi comme le dimanche, entre 19h30 et 20h. La bande-annonce de Charlie & Co., 1998 celle-ci. Alors, je suis particulièrement heureux du choix de cette musique parce que c'est celle de René Aubry, un musicien fabuleux, qui est certainement parmi les musiciens contemporains, quand on entend du reste plus énormément, celui que je préfère, le musicien français que je préfère. C'était pas un hasard de prendre cette musique-là. Alors Stéphane, avant de vous laisser pouvoir vaquer à vos occupations, deux petites questions encore. Si Fadjet était un mot pour vous, ce serait quel mot ? Amical, amitié, sans chercher d'autres éléments de satisfaction entre humains. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous pensez que Fadjet aura un jour 30 ans ? Mais vous, c'est une question piège parce que j'en avais déjà pratiqué environ 15 ans. Et je ne pensais pas que ça allait s'arrêter avec mon départ, avec mon renoncement. Quelle humilité. Mais y a eu une progression en qualité, à tout point de vue, sur le plan technique sur le plan des programmes. Bon, auquel j'ai participé pour une petite part, bon, c'est tout. Mais je ne pensais pas... D'abord, il y a les locaux qui sont absolument magnifiques. Pour une radio associative qui, je ne dis pas qui pleure misère, mais vous êtes particulièrement gâtés à l'heure actuelle. Hein. C'est un local professionnel, absolument. Que ce soit sur le plan des locaux, comme sur le plan de la technique, de tout ce qui touche tout à la technique. Hein. Tout à fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et ça, alors là, c'est une grande satisfaction pour quelqu'un qui a travaillé dans des conditions un peu plus restrictives au départ. Et encore, qui n'étaient pas celles du début. On a entendu ce matin le fondateur de Fadjet raconter les tout débuts de Fadjet. C'est vraiment parti de rien et petit à petit, forcément, ce projet a évolué et techniquement aussi. Je ne veux pas accaparer l'antenne, mais pour moi, Fadjet, c'est le Fadjet du jour où je suis descendu à la cave qui se trouvait à droite de la façade de l'église de Saint-Nicolas, rue Charles III, où il y avait 4 ou 5 marches à descendre, où il y avait une salle unique où on faisait tout, le secrétariat, la bouffe, pour parler éventuellement. Oui, il y avait des gens qui habitaient là. Et c'était quelque chose de chaleureux. C'était une maison habitée à l'époque. Habitée. Et il y avait 2 ou 3 petites jeunes filles, comme la présidente, la directrice actuelle de Radio Fadjet. Qui était jeune à l'époque. Qui était jeune, oui. Et qui faisaient leur début également. Avec lesquelles j'ai eu une relation amicale très immédiate. Et il y a également une figure. C'est peut-être trop long, non ? Non. Une figure d'une ancienne. J'ai un souvenir énorme, c'était, comment il s'appelle, celui qui est conseiller municipal. Il y en a beaucoup. Oui, et je me rappelle qu'il venait avec un vélomoteur qui tombait toujours en panne quand il devait démarrer, et il faisait vrombir son moteur sous les fenêtres de la vieille. Chevardet. Qui a été président de Fadjet. Alors, s'il entend, je lui adresse de mes amitiés parce que je rencontre très souvent. Et Chevardet, c'était un type formidable. Il sortait du service militaire où il avait été. Mais il faisait son service militaire civil, c'est ça. À Fadjet. Et il avait un vélomoteur qui lui donnait beaucoup de soucis et qui faisait pétarader sous les fenêtres de l'ancien Fadjet du début. Beaucoup de souvenirs en 30 ans, beaucoup de bénévoles aussi. Hein. C'est une grosse centaine, entre 100 et 150 bénévoles chaque saison qui animent l'antenne de Fadjet. En 30 ans, on est quasiment à 4-5 000 bénévoles. 5 000. En 30 ans, donc c'est autant de gens qui sont passés ici, qui sont restés quelques années. Quelques-uns sont là depuis 10, 15, 20 ans. Oui. Beaucoup plus, d'autres sont passés une petite saison ou deux. Certains en ont fait leur métier, d'autres pas du tout, se sont juste fait plaisir ici. Et c'est ça aussi Fadjet, c'est pouvoir venir avec les compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. On les acquiert ici aussi et puis on peut se former, on peut se perfectionner, on peut s'initier. C'est ça aussi la grande richesse de Fadjet. Alors je ne vais pas monopoliser l'antenne, mais concernant l'initiative, les initiations, sachez qu'à l'heure actuelle sur les ondes nationales, sur BMFM, il y a Gilane, qu'on a entendu tout à l'heure, juste Gilane, avant. Oui. Gilane, qui venait à 4 heures du matin pour faire son journal de 7 heures. Hein, c'était formidable. Et puis, il y a d'autres professionnels actuels. Ils étaient juste avec nous, là, certains qui sont dans les médias locaux. Et Gilane, qui nous a aussi, qui a eu la gentillesse de nous de répondre à quelques questions par téléphone, forcément, parce qu'il est sur Paris, pour parler de son expérience ici, et dont il est très fier et très content. Gilane, c'est lui qui a créé l'information sur Fadjet. Très bien. Alors, on va passer à Charlie & Co. actuel. Donc, Charlie & Co. a revu le jour début 2012. Juste pour se remettre un peu dans l'ambiance et pour ceux qui ne connaissent pas, petite bande-annonce. Qui ne fonctionne pas, malheureusement. Alors, on va essayer. On peut la faire, en direct. Oui, on va essayer, mais... Ça ne veut pas partir. Ah, voilà, les aléas de la technique. Alors, on va essayer de régler tout ça. Mais donc, Charlie & Co. a revu le jour en 2012. Et tu le disais, Fabienne, on était dans le même esprit. Ce service de proximité, aller à la rencontre des gens, mettre en lumière aussi le tissu associatif, les acteurs locaux, tout simplement, ceux qui font vraiment vivre ce quartier Charles III et un peu plus largement centre-ville. Alors, comment ce nouveau Charlie & Co. A revu le jour ici sur Fadjet ? Eh bien, effectivement, il y a eu un laps de temps entre le départ de Stéphane et ton arrivée au management un petit peu de cette émission. Parce que, comme le dit Stéphane, ça lui prenait un temps fou. C'était pratiquement du temps plein. Il était bénévole, il faut le souligner, retraité, bénévole. Mais pour retrouver quelqu'un qui avait ce temps-là, c'était très compliqué. Donc, quand Stéphane est parti, il a dit tout à l'heure, j'imaginais bien que la radio allait pas s'arrêter avec mon départ, sauf que l'émission Charlie & Co. s'est arrêtée. Et on a eu bien du mal à retrouver quelqu'un qui pouvait prendre le relais. Et du coup, nous, on avait envie aussi de redémarrer depuis longtemps cette émission, parce qu'on est implanté sur un quartier, le quartier Charles III, et on n'avait pas d'émission. On n'avait plus d'émissions qui étaient en lien et qui permettaient de donner la parole aux acteurs tout proches. On donnait la parole à des acteurs, à plein d'acteurs associatifs, et c'est très bien, sur Nancy, la grande agglomération. Mais localement, on n'avait plus cette émission, et c'était vraiment un manque. Et en fait, ça a été un concours de circonstances à une fête de Fadjet. Ça devait être aux 25 ans de Fadjet, où effectivement, quelqu'un de la CAF était présente et avait aussi envie de recréer quelque chose, avait bien senti que sur le quartier, il manquait du lien entre les associations, du lien entre les gens, et elle cherchait un outil un peu original pour créer ce lien-là. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, nous, on a un outil radio, on pourrait effectivement relancer une émission qui a déjà existé sous une certaine forme, et voilà, voir avec vous comment est-ce que vous souhaitez qu'on avance ensemble. Et du coup, la CAF était tout à fait partante dans ce projet-là, nous a aidé bien sûr financièrement pour pouvoir embaucher quelqu'un sur un mi-temps à l'époque. Donc c'était Aurélie, donc on a trouvé qui était tout à fait... J'avais vu de la lumière, je suis passée dans la maison, on m'a dit, tiens, tu voudrais pas t'occuper de Charlie Non, alors Aurélie, elle était dans la maison en tant que bénévole depuis un petit moment, et du coup, je crois que c'est quelqu'un aussi, parce que effectivement, c'est pas uniquement de la technique radio, Charlie & Co., vous l'avez dit tous les deux, c'est du relationnel, c'est aller voir les gens, c'est pouvoir créer une confiance avec les gens, et c'est pouvoir, effectivement, en tout cas, le principe aujourd'hui, c'est de passer du temps dans une structure, mais c'est ce que faisait Stéphane aussi autrement, et puis de donner la parole à un maximum de gens et vraiment d'aller à la rencontre sur place. Voilà. Et dans un objectif vraiment à la fois de faire connaître les associations ou les acteurs du quartier, et puis aussi de créer du lien entre les associations, parce que c'était une vraie réalité. Il y avait des gens, toi Aurélie, tu l'as constaté aussi très régulièrement, qui travaillaient dans le même domaine et qui ne se connaissaient pas, et qui auraient pu monter des projets ensemble. Et qui parfois étaient à 200 mètres et ne se connaissaient pas. Exactement. Parce que forcément, des associations, ça n'a pas d'enseigne, comme une boutique ou un centre commercial. Enfin, on ne les voit pas. Donc, c'est des petites sonnettes et on peut passer 15, 20 fois devant sans forcément se rendre compte qu'il y a une association avec qui on pourrait éventuellement mettre des projets en place. Tout à fait. Donc ça a démarré comme ça, avec ce soutien de la CAF. Donc voilà, c'est une émission d'une demi-heure hebdomadaire, où il y a deux reportages. Je fais ta com. Oui, vas-y, je te laisse. Tu me dis si je me trompe. Non. Deux reportages par émission. hein, et exactement. Soit complémentaires, soit très différents, justement, pour montrer aussi la diversité du quartier. Et puis, petit à petit, ben, effectivement, on s'est agrandi hein, au niveau du secteur couvert, puisque maintenant, on couvre Nancy, tout le Grand Nancy. Et la ville a soutenu également ce projet quelques temps après la CAF. Et voilà, ça nous permet aussi de développer un projet de qualité et conséquent. Et à côté de ça, bah aussi de permettre ponctuellement de faire des émissions ici à Fadjet avec des gens qu'Aurélie a rencontrés sur le terrain autour de thématiques qui les rassemblent. Voilà, donc ça se fait assez régulièrement. En tout cas, la proposition est faite. Mais on sent bien aussi que ce que les gens attendent, c'est qu'on vienne les rencontrer, plus que de venir faire une émission. Et on est sur une vraie émission d'ambiance. On parle beaucoup d'ambiance sonore hein, bon, à la radio forcément, mais c'est vraiment le cas. On a envie qu'il y ait du bruit. Si des gens font la fête, sont heureux, ben on veut les entendre. Et on est sur un vrai format de balade sonore pour ceux qui n'ont encore pas pu écouter. Voilà, c'est vraiment, on se balade dans le quartier à la rencontre des gens, des acteurs locaux. Et puis, on rentre tout simplement dans ces structures et on va discuter avec les gens. Ils nous expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ça leur apporte, quels sont leurs projets. Enfin voilà, c'est des tranches de vie du quartier en tout cas, aussi diverses que variées, on le disait. On peut tout à fait être avec des étudiants qui font la fête ou les 24 heures de Stan, qu'avec des gens en grande difficulté accueillis dans des associations et qui nous parlent de ce que cette association leur apporte aussi. Donc voilà, c'est ça aussi la richesse de Charlie & Co, c'est de pouvoir... On disait faire parfois des grands écarts, parler aussi bien voilà, de culture, de social, parler d'initiatives aussi, conseiller éventuellement, apporter des informations aussi aux gens en parlant d'initiatives qui peuvent aider. Et c'est ça aussi l'important pour une radio, c'est d'aller vers les gens, hein, c'est-à-dire voilà, de faire en sorte que les gens ne viennent pas forcément, mais d'y aller. Si je peux dire quelque chose en complément, il faut reconnaître une chose, c'est le quartier Saint-Nicolas, Charles III, après une extension sur le plan culturel, grâce à cette radio. Parce que à l'occasion des fêtes au parc Sainte-Marie, au parc Charles III, et le quartier a fait démarrer une équipe d'alphabétisation rue... Derrière, exactement. L'ALAFA, et d'ailleurs, ça faisait partie des tout premiers reportages que j'ai fait en 2012. Et qui a l'air de très très bien marcher. Oui, ils ont beaucoup d'adhérents. J'ai quelques extraits aussi hein, de Charlie & Co que je vous montre, que je vous ferai écouter tout à l'heure. En tout cas, voilà, on parlait de chiffres tout à l'heure. Là, on a passé le cap des 280 reportages pour la nouvelle version de Charlie & Co depuis début 2012. Donc, si vous vous ennuyez, si vous êtes un peu en vacances, tout est en podcast sur le site de la radio. Donc, ça vous fait à peu près 140 émissions d'une demi-heure à écouter. Ça passe le temps, hein, en prévision pour les vacances de Noël éventuellement. Je suis sûre que Stéphane va aller faire un tour. Voilà, il va aller. Déjà aller, je pense. Non, mais ça permet vraiment de découvrir. Et souvent aussi, les gens qui participent à des émissions vont se réécouter en podcast et écoutent d'autres émissions. Et c'est à cette occasion-là, souvent, qu'ils découvrent d'autres structures à proximité. Et ça permet de tisser du lien. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi Aurélie. Alors, juste un grand merci à Stéphane parce que effectivement c'est lui qui a lancé, alors bien sûr avec l'équipe de l'époque, qui a lancé ce projet-là, qui nous a permis aussi très vite de donner une réponse au souhait de la CAF à l'époque en disant voilà, comment est-ce qu'une radio comme Fadjet pourrait nous aider à développer quelque chose sur le quartier. Et c'est parce que on savait bien sûr qu'il y avait ce projet-là qui était un peu dans les cartons que très vite on a dit ben voilà ce qu'on pourrait vous proposer quoi. Mais voilà, donc un grand merci à toi parce que bah, des projets portés quelques années avant peuvent aussi tout à fait être à nouveau d'actualité et continuer à l'être aujourd'hui. Voilà, c'est aussi ça, 30 ans d'aventure radiophonique. C'est moi qui remercie Fadjet parce qu'elle m'a permis, elle m'a permis cette radio d'avoir une autre vision de notre humanité, puisque j'ai été kinésithérapeute hospitalier pendant 40 ans et je suis rentré dans le circuit des gens en bonne santé, pour la plupart d'entre eux, je crois. Hein. Bon. Oui. Oui, je pense. Plus ou moins après, en fonction de la raison. Tu n'as jamais fait de séance de kinésithérapie à Fadjet, je crois pas. Non, ça m'aurait été interdit. Oui, bien sûr, non, je plaisante. En tout cas, un grand merci à vous deux d'avoir initié ce projet, d'avoir fait revivre ce projet pour Fabienne. Alors Fabienne, on va le signaler assez rapidement, on te retrouve... Et sur France 3 région tout à l'heure. Exactement, dans le 19-20, comme ça. Donc on vous autorise, chers auditeurs de Fadjet, à vous déconnecter très légèrement, enfin, en tout cas à baisser le son de Fadjet, voilà. Juste le temps pour regarder Fabienne dans le 19-20, qui sera donc en direct sur le plateau de France 3 tout à l'heure, mais vous gardez Fadjet en fond, et puis voilà, vous écoutez les deux en parallèle. Tout à fait, voilà. On peut faire les deux. On vous autorise quelques minutes, juste, voilà. On va parler de Fadjet. Et des 30 ans de Fadjet, des 30 ans. Et vraiment, ça vaut le coup de que ce projet... soit mise en lumière, ce projet associatif, radiophonique et humain, comme oui. Stéphane l'a dit. Sans être méchante langue, il faut dire que vous squeezez très souvent l'Est républicain. Eh ben, Fadjet, avec des photos particulièrement bien cadrées sur tous les slogans publicitaires du studio. Exactement. Voilà, on en a mis partout. C'est très sympathique. Tout très à fait. Bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, merci à Stéphane toi, Aurélie. Kalchef. Merci pour beaucoup, ce beau Fabienne. Projet Charlie actuel. Moi, je remercie tout le monde également. Merci beaucoup. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'onde solidaire. On continue en musique les Four Non Blondes avec What's Up 1993. Bien sûr, c'est cette année que l'on fête jusqu'à 18h pour cette émission spéciale. Charlie & Co pour les 30 ans de Fadjet. Happy birthday! Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. 30 ans pour Fadjet, 1985-2015. Et oui, ça fait 30 ans. Fadjet a 30 ans et pour fêter ses 30 ans, 30 heures de direct non-stop ici dans nos studios. On a débuté ce matin à 9h en 1985. Nous sommes désormais en 1993. On vous a parlé, on vous a fait une petite rétrospective en début d'émission de tout ce qui s'est passé en 93, de la musique également. Four Non Blondes, pour ceux qui étaient nés en 93 et qui étaient nés depuis quelques années, vous connaissez forcément What's Up, c'était un tube hein, de 93. On a écouté également Whitney Houston, I Will Always Love You, film Bodyguard avec Kevin Costner. Forcément aussi, c'est un film mythique. On vous le disait donc, 30 heures de direct, ça a commencé à 9h ce matin et nous serons donc en direct jusqu'à 15h demain après-midi. Tous les animateurs de Fadjet se relaient depuis ce matin pour vous proposer. Donc chaque heure, chaque émission propose une heure à peu près, ou voire deux pour les plus chanceux, de direct. Toute cette nuit également, des émissions en direct. Vous allez pouvoir écouter pas mal de choses, de la musique notamment. À partir de 20h, des groupes en live, des DJ sets live également au cours de la nuit. Et puis pour les insomniaques, eh ben, vous pourrez écouter Fadjet. En tout cas, on pourra vous accompagner toute la nuit. 94 sur Fadjet. C'est la FM en moins, c'est la vie en plus. 94.2, tout va mieux sur Fadjet. Hey, la FM en moins, la vie en plus, je suis bien. Ça, c'est juste pour le plaisir, parce que je l'adore, ce jingle kitsch. Il est appelé comme ça. Du début des années 90, la frime en moins, la vie en plus, c'était le slogan de Fadjet. C'est plus qu'une radio, c'est le slogan actuel de Fadjet. Et vous le savez tous que Fadjet, c'est plus qu'une radio. On vous rappelle également que ce dernier événement des 30 ans de Fadjet a malheureusement été un peu tronqué. Nous avions prévu donc demain vers 15h à partir du début d'après-midi même un grand goûter d'anniversaire sur le parvis de la cathédrale à Nancy. Un grand goûter offert à tous avec des boissons chaudes et des gâteaux, plein d'animations. On avait prévu plein de choses et malheureusement à cause des événements survenus le week-end dernier à Paris, nous avons été contraints d'annuler cet événement. On n'a pas eu forcément les autorisations pour avoir un événement grand public et en plein air pour demain. Donc on vous le rappelle, demain après-midi, si vous comptiez venir fêter les 30 ans de Fadjet sur le parvis de la cathédrale, eh bien c'est malheureusement annulé. En revanche, nous ouvrons nos portes pour ces 30 heures de radio. Donc vous pouvez encore passer là jusqu'en début de soirée, ça sera ouvert. Vous pouvez passer dans les studios, voir les émissions en direct. Et puis bien sûr, demain également, à partir de 9h, on pourra ouvrir les portes au public. Vous pourrez passer nous voir demain matin et puis en début d'après-midi également pour voir eh bien nos six jolis studios que Stéphane a salué tout à l'heure, Stéphane Kalchev, initiateur, créateur de Charlie Co. Et puis découvrir aussi les différents animateurs. Vous pourrez rencontrer pas mal de monde. Charlie Co, justement, en parlait. Donc, c'est cette émission que l'on consacre dans cette heure parmi les 30 heures de direct. Charlie Co, qui a vu le jour donc, dans les années 90 avec Stéphane Kalchev, on en parlait tout à l'heure. Une émission de proximité. Et maintenant, c'est une balade sonore, toujours de proximité, mais c'est une balade sonore dans les rues toujours du quartier Charles III et centre-ville. On va à la rencontre, tout simplement, des gens, des acteurs locaux, de ceux qui font vivre le quartier. Et juste pour vous, on a retrouvé la toute première émission de la nouvelle version. C'était tout début 2012. Bonjour à tous, comme chaque vendredi désormais sur Fadjet à partir de 18h30, Charlie Co vous emmène en balade dans le quartier Charles III à la rencontre de ceux qui le font bouger. Et aujourd'hui nous allons à la rencontre de deux associations, Tabga et Atatürk'i. Et nous allons débuter notre promenade par un petit tour au 93 bis rue des Quatre Églises, dans les locaux de l'association Tabga. On démarre donc notre périple du 47 rue Charles III, des studios de Fadjet pour ceux qui connaissent. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. Direction donc la rue des Quatre Églises. On va jusqu'à la rue Saint-Dizier, on la traverse et on remonte la rue des Quatre Églises quasiment jusqu'à la fin. Et là sur notre gauche, on aperçoit la petite porte de l'association. On sonne et on entre. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'association TABGA, association qui existe depuis avril 96 à Nancy. Jean-Michel Pialou, vous êtes président de l'association. Oui, je suis président de l'association depuis le début. Je suis un des membres fondateurs. À l'origine, donc, TABGA, c'est une association qui accueille. Et au début, c'était un accueil des personnes atteintes du VIH. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une des raisons de la constitution, de la création de notre association. C'est qu'à l'époque, les thérapies concernant le sida n'étaient pas encore bien développées. Et toutes les personnes, beaucoup de personnes atteintes par le VIH, voyaient leurs jours condamnés à court terme. Donc cela créait vraiment des problèmes psychologiques et sociologiques lourds. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de partenaires se sont réunis en disant « il faut faire quelque chose ». Jeanne-Marie Laurent, vous êtes là depuis ses débuts. Depuis vous faites, oui, je voulais simplement ajouter sur ce que dit Jean-Michel que au début, finalement, le sida, c'était la peste noire. Rappelez-vous, on pouvait pas toucher les gens, on pouvait pas les embrasser, c'était l'horreur. Et finalement, on a voulu réagir contre cette idée complètement absurde et dire mais. L'Église, parce que il faut le dire quand même, cette association a été voulue par des congrégations, par l'évêque, par le Secours catholique, avec une volonté très nette de rester très neutre, si vous voulez, de rester là à la fois laïque et à la fois en ne cachant pas son origine et en disant bon, l'Église a voulu réagir. Contre ces idées absolument folles sur le sida. Et donc, l'Église facilite l'ouverture de cette maison. Voilà. On le disait à la base, à l'origine, TABGA accueillait des personnes atteintes du VIH. Oui. Mais les traitements aidants, les personnes ont eu moins besoin de ce type de structure d'accueil. C'est pourquoi TABGA s'est ouverte à un public plus large. Nous avons eu une évolution dans les personnes que nous accueillons. Ça s'est produit de façon tout à fait, je dirais, sans que nous l'ayons vraiment voulu. Mais nous accueillons maintenant des personnes qui sont en mauvaise situation, si je peux dire, psychologique, personnelle, mentale, etc. Voilà où nous en sommes maintenant. Donc on a eu une variation manifeste, si vous voulez, des personnes que nous accueillons. Oui, Jeanne-Marie Laurent. Encore que, finalement, dans les statuts qui nous régissent, l'idée était d'accueillir... les personnes dont la maladie en général, et pas seulement telle ou telle maladie, faisait des exclus. Donc, je crois que dans la société actuelle, effectivement, c'est difficile de vivre quand on est dépressif, quand on est bipolaire, etc. Et ça, ce sont des maladies qui ne sont pas très reconnues par le grand public, mal vécues, bien entendu, par ceux qui en souffrent. Et du coup, je crois que TABGA était absolument faite pour eux aussi. Donc concrètement, quelles sont les actions de TABGA auprès de ce public? Vous recevez? On reçoit. On accueille, on parle, on est souriant, on est prêt à écouter, on est prêt à recevoir des confidences le cas échéant, on n'est pas du tout indiscret, on donne un café. Voilà comment ça se passe. Hein. L'idée de départ était une maison de famille. Vous arrivez avec votre valise de problèmes, de difficultés, de chagrins, etc. Et c'est un lieu où vous posez votre valise, où vous dites vous êtes accueilli, on vous écoute, on vous offre effectivement un café, un petit gâteau, un machin, un truc. Avoir de la chaleur humaine, avoir de l'amitié. Et puis, cette amitié, elle se traduit par, bon, effectivement, plein de jeux de société, mais aussi des balades, des marches, mais aussi des visites, mais aussi des... On est allé une année à Prague, si j'ai bonne mémoire. Et au-delà de tout ça, vous les aidez également dans leurs démarches, les démarches du quotidien. Ouais. Vous recevez également un public qui est peut-être en recherche d'emploi, en recherche de logement. Vous les aidez dans les démarches administratives. Tout à fait. Nous ne faisons pas les démarches pour eux, nous faisons les démarches avec eux, ce qui est complètement différent. Et bon, il n'y a pas d'aide financière. Désolé, mais on n'a pas les moyens. On a déjà bien du mal à survivre. Alors, il n'est pas question de donner de l'argent. Mais par contre, donner un coup de main pour des démarches. Et Dieu sait que ça peut être important parce que de temps en temps, il faut reconnaître que c'est un peu la jungle. Alors, il y a une chose qu'on peut rajouter aussi, c'est que finalement, au bout du compte, ici se créent de nouveaux liens. Il y a véritablement une création de liens des gens qui viennent de tout seuls, perdus. eh bien, le fait de participer aux activités de TAPGA pendant un certain temps leur permet de recréer, de se réinsérer, comme on dit, socialement, un temps soit peu. Combien de bénévoles à TAPGA actuellement ? Une dizaine, oui, c'est ça. Qui, en principe, viennent à jour fixe, mais bon, peuvent échanger, évidemment. Et donc, bon, mais qui fonctionnent ensemble en général. Avec des capacités, j'ai envie de dire, différentes. Enfin, l'une saura mieux écouter, l'autre préférera jouer au Scrabble, la troisième ira faire... Il y a eu des tentatives de peinture sur soie, il y a eu des tentatives comme ça. Bon, c'est de la troisième, bon, quelquefois. Et puis, fera de la marche, aura une voiture et la mettra à disposition. Je vais t'emmener faire tel truc, etc. Et ça, je crois que c'est très, très important. Vous accueillez tous les jours ? Pratiquement tous les jours, de 2h à 6h. Pas le samedi et pas le dimanche. Voilà. Vous accueillez combien de personnes actuellement ? Ah, ça c'est une question difficile parce que finalement... La moyenne est de 15. Par jour. Par jour. Mais très variable. Très variable. Très variable. Mais c'est la moyenne que l'on fait. Je vous donne la moyenne sur l'année, quoi. Donc ça varie entre 4 et 18 ou 19. Voilà. On va justement, dans quelques instants, on assistera à un de ces ateliers, de ces rencontres avec donc, bénévoles et bénéficiaires. On va pouvoir savoir à quoi ça ressemble. L'accès est libre, on vient sonner à la porte de TAPGA et elle s'ouvre toute seule. C'est fait pour ça, la seule restriction, je dirais, c'est la bouteille d'alcool qui restera à l'extérieur. La violence, l'agressivité aussi, bien sûr. Mais autrement, pas de restriction. Vous venez, vous êtes accueillis, vous êtes le bienvenu. Posez-vous. On ne demande pas de nom. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? On ne demande pas de nom, on demande un prénom, celui que vous voudrez. Très bien. Donc, si on a besoin de discuter, d'être écouté, d'être aidé dans des démarches administratives, aussi. On vient au 93 bis rue des 4 Églises. TAPGA, cette source. Entrée, c'est ouvert. Voilà. Merci beaucoup. TAPGA, c'était donc la toute première émission de Charlie & Co, version, nouvelle version. C'était l'émission date du 3 février 2012. Et donc, l'association TAPGA, merci à eux de nous avoir accueillis pour ce tout premier reportage de cette toute première émission. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. 30 ans d'ondes solidaires pour les 30 ans de Radio Fadjet. Restez avec nous, bien sûr, à l'écoute. 1993, c'est l'année qui se termine. 1994 va débuter dans un instant. On a débuté avec 1985 ce matin et on arrivera en 2015 demain, donc à 15h pour la clôture de ces 30 heures d'émission. À suivre tout de suite dans quelques minutes, juste après un peu de musique, une émission consacrée à Pomme Parole d'Outremur. On en parlait il y a un instant. Cette émission mythique, historique de Fadjet qui est là depuis ses débuts, depuis 85, et qui permet eh bien, aux familles des détenus de, en tout cas, de pouvoir leur envoyer des petits messages chaque dimanche, c'est toujours en direct, quel que soit le jour, que ce soit Noël, le 1er mai ou le 1er janvier, ils sont toujours là. Ensuite, à 19h au programme, c'est une émission spéciale menu étudiant. Ensuite, à partir de 20h, Electrophone prend les commandes de Fadjet pendant 2h et vous propose notamment du live. Gaël arrive à 22h avec son ancienne émission, plutôt deux fois qu'une. Une heure d'essai à partir de 23h avec Béranger, Sophie ou encore Thomas. Et puis, à partir de minuit, pour passer bien sûr ce samedi, ce sera Europe & Roll qui arrivera avec toujours en direct bien sûr avec toute son équipe. 1993, eh bien on va quitter 1993 avec une musique de 1993 et je suis sûre que quel que soit votre âge, vous connaissez cette chanson. Tout à ta, c'est Pinocchio, c'était 1993. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne nuit à l'écoute de Fadjet. On est en direct toute cette nuit également, les animateurs se relaient jusqu'à demain, 15h. Ciao, ciao. Tout à tout ta tout ta tout ta tout ta.